السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونادغسل الوانج الله سبحانه وتعالى et on fait preuve de reconnaissance envers lui Jalla fi'ula pour nous réunir à nouveau dans ce lieu, et on lui demande, Azza wa Jal, de le rendre béni et de nous aider à l'évoquer, à l'adorer comme il se doit et à être reconnaissant envers lui. Et c'est à nouveau donc une occasion de se retrouver afin d'étudier ensemble sa noble religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait, il n'est pas un groupe de gens qui se regroupent dans une maison parmi les maisons d'Allah pour réciter le Coran et l'étudier entre eux sans que ne descende sur eux la quiétude et que les anges n'abaissent leurs ailes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse mention d'eux auprès de ceux qui sont auprès de lui. Il y a donc un grand mérite à se réunir dans ces lieux afin d'étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans le cadre de cette modeste étude qu'on avait entamée l'explication des leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Écrite par le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et on avait eu l'occasion de dire au début de ces quelques cours, on avait eu l'occasion de dire que le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a abordé dans ce livre-là les bases des différents domaines fondamentaux de la religion. Il a abordé dans un premier temps le prologue, l'ouverture du livre, Al-Fatiha, la plus éminente des sourates que le Coran contient. Puis il avait parlé des bases de la croyance, du dogme islamique. Il avait parlé du tawhid. Puis il avait parlé des bases des adorations. Donc un deuxième domaine, celui des adorations. Et il avait parlé donc de la prière, et également de la clé de la prière qui n'est autre que la purification. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Et il avait abordé plusieurs chapitres concernant cela. On avait ainsi vu les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière, les actes recommandés de la prière, ainsi que les conditions des ablutions, les obligations des ablutions, ce qui annule les ablutions. Et auparavant, on avait vu ce qui annule la prière. Et aujourd'hui, on va aborder un autre domaine de la religion qui a été traité par le Cheikh Rahimahullah, à savoir les nobles caractères. Par lesquels l'individu doit se parer dans les relations qu'il entretient avec son prochain, avec les autres. La religion, donc, on pourrait la résumer à un dogme, également à des actes d'adoration que tu voues à Allah, subhanahu wa ta'ala, et également des manières de se comporter avec autrui. Et chacun de ces domaines-là, en vérité, est très large. Et chacun des points que le Shir a abordé dans ce livre, s'il était développé, tu pourrais en faire des ouvrages de plusieurs volumes. Et le shir, donc, il est resté dans le résumé, en faisant donc de brèves allusions et de brèves références à des sujets qui, en vérité, pourraient être développés et qui nécessiteraient beaucoup plus de lignes que ce qui a été consacré ici. La 15e leçon, elle concerne les bons comportements. Et donc le frère Khalid, Allah yahfadhu, il va nous lire cette leçon ainsi que les leçons qui vont suivre, étant donné que elles sont assez explicites. Et on va se contenter peut-être d'apporter quelques précisions lorsque le besoin se fera ressentir. Et c'est ainsi que on terminera l'étude de ce livre. Incha'Allah ta'ala, et on lui demande subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous assister. Dans cette leçon, l'auteur, il a parlé des nobles caractères, des bons comportements. Et on a eu l'occasion d'aborder cela dans les quelques rappels qu'on a pu faire tiré du livre de l'érudit Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, Rawdat al-Uqala wa Nuzhat al-Fudala. Et on avait eu l'occasion, durant les premiers cours, de citer la parole d'Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, qui disait: nous sommes en réalité dans un besoin plus impératif d'apprendre quelques bons caractère et moralité que d'apprendre beaucoup de sciences. On a un besoin plus impératif de connaître quelques bonnes moralités et bons caractères que de connaître beaucoup de sciences. Ainsi, ce domaine-là, celui des bons caractères, des nobles moralités, c'est un domaine très important. Et on avait vu que le bon comportement, il concerne à la fois la relation entre le serviteur et son seigneur, subhanahu wa ta'ala, ainsi que la relation des serviteurs entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs: je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Dans le sens où le bon comportement, dans son sens général, il englobe la relation qu'entretient le serviteur avec son seigneur et la relation également qu'il entretient avec son prochain. Naam, donc, essaie vas-y de nous lire. Donc, 15e leçon, les bons comportements prescrits. Et si tu disais le basmala par exemple, alhamdallah. Alhamdulillah. 15e leçon, les bons comportements prescrits à tout musulman. Parmi le bon comportement, la sincérité. La sincérité, na'am. Ici, donc, ils ont traduit par la sincérité. As-sidq, qu'on pourrait traduire également par la véracité. Le fait que tu sois véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. La véracité, donc, qui est l'inverse du mensonge. Que tu sois véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois également véridique avec ton prochain. Et comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soyez véridique, car la véracité, elle amène à la piété. Et la piété, elle amène au paradis. Et la personne ne cherchera à faire preuve de véracité jusqu'à ce qu'elle soit comptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un grand véridique. Tandis que je vous mets en garde contre le mensonge, car le mensonge, il mène à la perversité. Et la perversité, elle mène vers l'enfer. et la personne ne cessera d'être ou de mentir jusqu'à ce qu'elle soit comptée auprès d'Allah comme un grand menteur. Donc l'importance de la véracité. La véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'engagement que tu as pris envers lui de lui obéir. Et également la véracité avec ton prochain. Et ce point-là, wallah, c'est un point qui mérite d'être médité. Et que chacun d'entre nous, il fasse son examen de conscience concernant la véracité dont il fait preuve ou pas. Et si on parle de la véracité dans les relations avec autrui, on se rendra compte qu'il y a un grand problème dans cela. Et que beaucoup, beaucoup de divergences sont dues soit d'un côté, soit de l'autre, à un manque de véracité. Et parfois même, c'est des deux côtés, lorsque tu as deux personnes ou deux groupes de personnes qui sont en divergence sur des sujets qui ne le nécessitent pas. Tu te rends compte, en analysant, qu'il y a un problème à ce niveau-là, la véracité. La personne qui ne fait pas preuve de véracité, qui a un problème dans cela, une déficience dans cela, tu trouveras que ce sera la cause de beaucoup de maux, de beaucoup de divergences, beaucoup de dissensions qui, à la base, n'ont pas lieu d'être. Et il convient donc de faire son examen de conscience et de sans cesse se remettre en question et d'ouvrir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comparer notre état à ce qui est attendu de nous, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce vers quoi Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs, à ce qu'a incité le prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de véracité, et qu'on compare donc notre état à cela, afin de voir si on est sur le bon chemin et de continuer d'endurer dans cela, ou est-ce qu'il y a un problème et qui nécessite donc un repentir de notre part, de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de se corriger. Na'am. L'honnêteté. L'honnêteté. Al-amana. Le fait que tu sois honnête. Na'am. La chasteté. La chasteté. Le fait que tu sois chaste et que tu préserves donc et que tu préserves ce qui t'est demandé de préserver. Non. La pudeur. La pudeur, qui est un comportement qui fait partie des branches de la foi. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, la foi, c'est 70 et quelques branches. La plus haute de ces branches, c'est le fait de dire, la ilaha illallah, nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et la plus basse, c'est le fait d'ôter, d'écarter du chemin ce qui est nuisible. Et la pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur, c'est un comportement qui prend sa base, son origine dans le cœur et qui se manifeste dans le comportement apparent. Naam. Le courage. Le courage, qui est une des caractéristiques des monothéistes, à l'inverse des polythéistes. Dans le polythéisme, a fait tomber dans l'inverse du courage, dans la lâcheté, et également la peur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Nous allons mettre dans le cœur, ou dans les cœurs, de ceux qui ont mécru, la peur, à cause de ce qu'ils commettaient comme polythéisme, au sujet de quoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné d'argument. Naam. La générosité. La générosité, qui est qui est un comportement et une caractéristique des pieux, qui font preuve d'une générosité, la générosité d'âme avant tout, et également la générosité concernant les biens. Et si tu as la possibilité de faire preuve de générosité en faisant profiter de tes biens à tes frères, c'est là quelque chose de bon. Et si tu n'en as pas la possibilité, tu as toujours la possibilité de faire preuve de générosité, ne serait-ce qu'en rencontrant ton frère, en ayant un comportement, en ayant un visage radieux, en étant avenant avec eux. Naam. La fidélité. La fidélité. Lorsque tu prends un engagement d'être fidèle à ton engagement. Naam. L'éloignement de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala interdit. Naam, le fait de s'éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de manière générale, chercher à s'en écarter. De même que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Étant donné que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, ça revient à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Naam. Le bon voisinage. Le bon voisinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait, et Jibril n'a cessé de me recommander d'être bon envers le voisin, à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner une part de l'héritage. Naam. L'aide à ceux qui sont dans le besoin, suivant sa capacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait, Allah subhanahu wa ta'ala est dans l'aide de son serviteur tant que celui est dans l'aide de son frère. D'autant plus si ce dernier est dans le besoin. Donc être, apporter l'aide à ceux qui en ont besoin. Et c'est là le comportement, c'est là une caractéristique du serviteur pieux. Du serviteur pieux, donc il vient en aide à ceux qui en ont besoin. Naam. Ainsi que d'autres comportements indiqués par le Coran et la Sunna. Ainsi que d'autres comportements indiqués par le Coran et la Sunna, et qui n'ont pas été cités ici. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Shir, rahimahullah, il fait référence à certains points importants, et également donc, il renvoie au restant des points qu'il n'a pas cités. Donc c'était la 15e leçon parmi les leçons importantes adressée à l'ensemble de la communauté, écrite par le Shir Abdelaziz Ibn Baz. La 16e leçon, elle concerne les règles de bienséance islamique. Et l'auteur donc y a dit, les règles de politesse en islam. Parmi ces règles de politesse, le salut. Le salut, donc le fait que tu salues ceux que tu connais parmi les musulmans et ceux que tu ne connais pas. La personne, tant qu'elle est musulmane, il est bon et recommandé de la saluer. Que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas. Naam. La bonne humeur. La bonne humeur. Le fait que tu sois de bonne humeur, et on a vu ça la semaine dernière. Le fait que tu sois de bonne humeur et que tu aies un comportement avenant avec tes frères, que tu les rencontres avec un visage radieux, que tu cherches à introduire dans leur cœur la joie et la bonne humeur. Naam. Invoquer le nom d'Allah, bismillah, au début du repas. Manger et boire avec la main droite. Invoquer le nom d'Allah en disant bismillah avant de manger. Naam. Et le fait de manger avec la main droite. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité l'enfant qui partageait son repas et qui donc promener sa main dans le plat qui était devant lui. Et il lui a dit, « Oh, mon enfant, cite le nom d'Allah, mange avec ta main droite et mange de ce qui est devant toi. » Et mange de ce qui est devant toi. Naam. Dire les invocations en entrant à son domicile et en sortant, en entrant à la mosquée et en sortant. Naam. Donc le fait de dire les invocations qui correspondent à ces situations-là, lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu en sors, lorsque tu rentres dans la mosquée, lorsque tu en sors, Et ces invocations-là, vous les trouvez dans les livres qui sont dédiés justement aux invocations. Al-Kalim al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Tuhfatul Akhyar de l'auteur, le Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Al-Ad'iya wal-Athkar de Sheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Et d'autres livres, Al-Athkar de Nawawi, rahimahumullah. Naam. Dire les invocations du voyage. Les invocations du voyage également. Naam. Le bon comportement avec les parents. Le bon comportement avec les parents. Naam. Al-Ihsanu ma'a al-Walidayn. Les proches. Wa wassayna al-insana bi-walidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Et d'autres parmi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala incite à la bienfaisance envers les parents qui sont très nombreux. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très nombreux dans ce sens-là. Et tu trouves qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans certains versets il appelle à faire preuve de Naam, à l'unifier subhanahu wa ta'ala dans son adoration et également à être bon. Et il fait suivre cela par la bonté envers les parents. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et ainsi de suite donc, parmi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala incite à faire preuve de bonté envers les parents. Et si il t'incite à m'accorder un quelconque associé alors qu'Allah n'a fait disposer d'aucun argument concernant cela, alors ne leur obéis pas. Mais accompagne-les dans cette vie d'ici-bas d'une manière convenable. Et suis la voie de ceux qui reviennent repentants vers moi, car c'est vers moi que sera votre retour. Et je vous informerai alors de ce que vous œuvriez. Donc ici tu vois que même si le père ou la mère incite à la plus grande des injustices, le polythéisme, inna shirka la dhulmun azim, le polythéisme est certes une grande injustice, alors il convient de continuer à bien se comporter avec eux. Et bien sûr, sans leur obéir dans cela, sans les suivre dans ce vers quoi ils appellent. Car il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Wallahu al-musta'an. Naam. Les proches. Les proches, également donc faire preuve de bonté et de bienfaisance envers les proches. Naam. Les voisins. Les voisins. Comme on l'a vu précédemment. Les personnes âgées. Les personnes âgées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fait pas partie des nôtres celui qui n'est pas miséricordieux avec nos enfants. Et celui qui ne respecte pas nos anciens. Et qui ne donne pas son droit aux savants parmi nous. Tu retrouves dans ce hadith donc l'importance de respecter les anciens. Et tu retrouves également une réfutation claire à une parole qui est répandue qui dit qu'il n'y a pas d'âge en islam. Et dans le sens où tout le monde est musulman, il n'y a pas d'âge en islam, il n'y a pas de différence donc entre le jeune et celui qui ne l'est pas. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement fait la distinction. Et il n'y a aucun doute qu'il y a une distinction à faire entre celui qui est jeune et celui qui est ancien. Et il convient à chacun de bien se comporter avec l'autre. L'ancien doit être miséricordieux, faire preuve de mansuétude, de compassion envers le jeune. Et le jeune doit faire preuve de respect envers l'ancien. Mais sinon la distinction elle existe. Et tu ne te comportes pas avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, comme tu te comportes avec quelqu'un qui partage ton âge. C'est quelque chose donc qui est relativement clair. Et on a tous de grands efforts à faire dans cela. Surtout à la vue de l'environnement dans lequel nous avons et nous continuons d'évoluer, à savoir donc les pays occidentaux qui sont en train justement de briser ces barrières-là. Et tu trouves le jeune qui s'adresse à celui qui est plus âgé que lui comme il s'adresserait à son collègue qui a le même âge. Et en contrepartie, tu trouves que l'ancien, il méprise le jeune. Alors qu'à la base, il devrait y avoir une bonne entente. Et que chacun devrait connaître le devoir qu'il a envers l'autre. Le jeune, il a un devoir de respect envers l'ancien. L'ancien, il a un devoir de miséricorde et de mansuétude envers le jeune. Et donc à la fin du hadith, et qui ne donne pas son droit aux savants parmi nous. Et également tu trouves dans cela de grandes défaillances, conformément à ce qu'avait annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce qu'a rapporté l'imam Muslim rahimahullah, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait: certes, Allah ne reprend pas cette science en l'enlevant de la poitrine des hommes qui la détiennent, mais il l'enlève plutôt en faisant mourir les ulama, à tel point que lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront comme référence et mettront à leur tête des ignorants qui seront questionnés dans la religion d'Allah et qui répondront et qui s'égareront et égareront le sens apparent de ce hadith. Il est compris de tous. C'est la mort des ulama. Il y a également comme sens, parmi les sens qui sont compris dans ce hadith, il y a le fait qu'en vérité les ulama soient toujours vivants et que les gens ne retournent pas vers eux. Et pire que ça, tu le vois de nos jours, le dénigrement des ulama. Tu le vois sur les chaires des mosquées, par des gens qui s'autoproclament imams et qui insultent ou dénigrent ouvertement les ulama. Tu peux le voir pour ceux qui sont éprouvés par la télévision, ils peuvent le voir à la télévision. Tu peux le voir dans les différents médias. Tu peux t'en rendre compte dans les discussions que tu as avec certaines personnes. Le dénigrement des ulama et le fait que les gens ne donnent pas aux ulama la place qu'ils ont. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que ça faisait partie des grands péchés. Étant donné qu'il a dit, ne fait pas partie des nôtres. Celui qui ne fait pas preuve de compassion et de mansuétude envers nos enfants, qui ne respecte pas nos anciens, et qui ne donne pas son droit aux savants parmi nous. Naam. Les enfants. Les enfants, comme on vient de le voir. Les félicitations pour une naissance. Les félicitations pour une naissance, dans le sens où tu invoques pour la personne qui vient d'avoir un enfant. Comme cela a été rapporté, par exemple, de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui disait, Barakallahu lak, fil mawhoubi lak, shakart al-wahib, وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْتَ بِرَّهُ. Qu'Allah bénisse pour toi ce qu'il t'a octroyé. Que tu sois reconnaissant envers celui qui te l'a octroyé. Et que te soit attribué sa piété. Et qu'il atteigne l'âge adulte jusqu'à la fin donc de l'invocation. C'est une invocation que disait Al-Hassan al-Basri, tu peux la dire de temps en temps. Ou alors tu peux par exemple dire à la personne qui vient d'avoir un enfant, As'alullah an yaj'alahu qurrata 'aynin lak wa li ahlik. Je demande à Allah qu'il en fasse une réjouissance pour tes yeux ainsi que pour ceux de ta famille et toute autre invocation et formule que tu pourrais dire afin d'invoquer en faveur de la personne qui vient d'avoir un nouveau-né. Et à l'inverse donc, la suite. Les condoléances lors d'un décès. Les condoléances lors d'un décès. Lillahima akhada wa lahuma a'ta wa kullu dhalika indahu li ajalin musamma. Fasbir wa ihtasib. À Allah appartient ce qu'il a donné, ainsi que ce qu'il a repris. Et tout cela a auprès de lui un délai qui est bien délimité. Fais donc preuve d'endurance et cherche dans cela la récompense d'Allah. Et suivre les convois funéraires. Naam, et suivre les convois funéraires. Pour la prière et l'enterrement. Pour la prière et l'enterrement. Étant donné que si tu veux bénéficier de la récompense complète, il faut que tu suives le convoi funèbre jusqu'à la fin de l'enterrement. Et ne te contente pas juste de la prière si tu as la possibilité de suivre le convoi funèbre jusqu'à sa fin. Naam. Ainsi que d'autres règles de politesse islamique. Ainsi que d'autres règles de politesse islamique. Ensuite, donc, la 17e leçon, on vient de terminer la 16e, qui concernait donc ces quelques règles de politesse en islam, ces quelques bonnes manières qu'on a pu lire des propos du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et la 17e leçon, qui est une mise en garde contre le polythéisme et les divers péchés. Et l'auteur donc de dire, rahimahullah, parmi lesquels les sept péchés capitaux. Les sept péchés capitaux qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Écartez-vous, ijtanibou. Écartez-vous. C'est pas seulement délaissé, c'est écartez-vous. Les sept péchés capitaux. Littéralement, les sept péchés qui font périr. Naam. Et ensuite, il les a cités. Attribuer des associés à Allah. Attribuer des associés à Allah. Le fait que tu attribues un associé à Allah, c'est là le shirk. La pire des injustices, le plus grand des péchés, celui qui n'est pas pardonné, qui cause l'annulation des œuvres, qui entraîne la damnation éternelle en enfer, qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu al-musta'an. La sorcellerie. La sorcellerie, qui est de la mécréance. La sorcellerie qui est de deux sortes. La sorcellerie qui est de deux sortes. Une sorcellerie réelle. Et une sorcellerie d'illusion. Celle qui est réelle, c'est dans le sens où elle a une réelle influence et un réel impact sur la réalité. Elle peut même causer la mort de la personne qui est touchée par cette sorcellerie-là. Elle peut également la toucher dans sa raison. Donc là, c'est une sorcellerie réelle. Également, tu as celle qui n'est qu'illusion. Celle qui n'est qu'illusion et qui n'a pas un réel impact sur la réalité. Et la sorcellerie, de manière générale, peu importe sa catégorie, C'est de la mécréance. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سليمان n'a pas mécru, mais ce sont plutôt les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et ce qui a été révélé aux deux anges de Babil, Harout et Marout, qui n'enseignent à personne quoi que ce soit avant de leur avoir dit « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. » Ce qui prouve donc clairement la mécréance de celui qui se rend coupable de la sorcellerie. Wal'iyadhu billah. Tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Sauf pour rendre justice. Sauf pour rendre justice. Ou sauf. Sauf lorsque cela est religieusement justifié. Naam. Disposer injustement des biens de l'orphelin. Et ça, bien sûr, donc, ça ne revient pas à tout un chacun. Donc, le fait de. Lorsqu'on a dit tuer une personne dont la vie est sacrée, sauf lorsque cela est religieusement justifié, il ne revient pas donc à tout un chacun de considérer que tuer un tel est justifié et ainsi donc de se faire justice soi-même. Tout cela revient bien sûr à ceux qui détiennent l'ordre. Naam. Donc également, tu as dit disposer injustement des biens de l'orphelin. Disposer injustement des biens de l'orphelin. Le fait de manger les biens de l'orphelin, sauf dans les limites du convenable, dans ce qui est convenable. Mais sinon, donc, ça fait partie des grands péchés qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Pratiquer l'usure. Pratiquer l'usure. Ar-riba. Alhamdulillah, donc, le traducteur a traduit Ar-riba de manière correcte, en gardant donc cet aspect péjoratif, le fait de dire l'usure, plutôt que de dire les intérêts. En arabe, ils en sont venus à appeler donc Ar-riba al-fawa'id. Al-fawa'id. Qu'ensuite tu traduis en français par les intérêts. Tout ça, c'est une manière d'enjoliver ce qui est interdit. Donc, le plus correct, c'est de dire l'usure. Quand tu parles d'Ar-riba, tu dis donc l'usure, qui fait partie donc des grands péchés. Fuir face à l'ennemi en pleine bataille. Wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. Et Allah a rendu licite le commerce et il a interdit Ar-riba, l'usure. Naam. Fuir face à l'ennemi en pleine bataille. Fuir face à l'ennemi en pleine bataille, qui fait également partie donc de ces sept péchés qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui mènent à la perdition. Naam. Calomnier les croyantes pieuses, chastes et insouciantes. Calomnier les croyantes pieuses, chastes et innocentes. Les calomnier donc en portant atteinte à leur honneur, en les taxant de fornication. Et vous connaissez tous donc la sentence qu'encourt celui qui fait cela. Naam. Il y a aussi désobéir aux parents. Désobéir aux parents. Et on en a parlé. Rompre les liens de parenté. Rompre les liens de parenté. Naam. Faire un faux témoignage. Faire un faux témoignage. Shahadat zour. Jurer mensongèrement. Jurer mensongèrement. Consommer des boissons enivrantes, jouer aux jeux de hasard. Naam. Colporter et dire du mal des gens. Colporter et dire du mal des gens. An-namima. An-namima et al-riba. Le fait de colporter, donc, c'est an-namima. Le fait que tu colportes les informations des gens vers d'autres personnes dans le but de semer la discorde entre eux. C'est ce qu'on appelle un namima. Un namima, donc le fait de colporter les informations, rapporter les informations de certaines personnes vers d'autres, afin de semer la discorde entre eux, qui fait partie donc des grands péchés. Tandis qu'elle rib, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini, c'est que tu cites, que tu mentionnes ton frère avec quelque chose qu'il n'aime pas, que tu dises du mal de ton frère, que tu dises quelque chose de ton frère qu'il n'apprécie pas. C'est là elle rib. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, vois-tu si la personne, il s'avère qu'elle est réellement comme on l'a dit. Et il a dit, à ce moment-là, tu as fait preuve de calomnie. Si jamais ce que tu dis, excusez-moi, si jamais elle est réellement comme tu l'as dit, alors tu as médit. Et si jamais ce n'est pas le cas, alors tu l'as calomnié. Donc dans tous les cas, tu es dans le péché. Si tu dis du mal de quelqu'un, et que cette chose-là, donc, est avérée, et que réellement cette personne-là, elle est comme tu l'as dit, alors tu as fait preuve de médisance. Et si jamais c'est faux, alors encore pire que ça, tu l'as calomnié. Al-Buhtan. Donc dans tous les cas, il te convient de délaisser la médisance et de délaisser la calomnie. Naam. Nuire au voisinage. Et on a vu tout à l'heure donc l'importance du voisin. L'importance et la place qu'occupe le voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui parmi vous qui croit à Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Donc à l'inverse de cela, il y a le fait de lui nuire. Naam. Être injuste envers les gens, par l'effusion de sang, l'extorsion de leurs biens ou l'atteinte à leur honneur. Naam, donc être injuste envers les gens par l'effusion de sang. Donc en touchant, en faisant couler leur sang, ou en leur prenant leur bien, ou en touchant leur honneur. Donc, ni le sang, ni les biens, ni l'honneur ne doivent être touchés. Tu ne dois pas porter atteinte au sang des gens, donc en les agressant physiquement, ni à leurs biens, en leur spoliant et en leur prenant sans droit, ni en touchant, en portant atteinte à leur honneur. Naam. Ainsi que d'autres péchés qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Naam. Et donc comme on a dit, le shir, il mentionne certains points et il renvoie donc pour les autres points à ce qui a été mentionné dans les textes du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le commentateur rahimahullah a dit: le musulman se doit donc de les éviter absolument. S'il se rend coupable de l'un d'entre eux, il doit le délaisser. Regretter son acte et avoir la ferme intention de ne plus jamais commettre ce péché, ni d'autres péchés et transgressions. Donc premièrement, concernant ces péchés-là, tu te dois de les éviter. Tu te dois de t'en écarter. Ça c'est la première chose. Si tu te rends coupable d'un de ces péchés-là, alors, il t'est obligatoire de te repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que visait le commentateur lorsqu'il a dit, il doit le délaisser, regretter son acte et avoir la ferme intention de ne plus jamais commettre ce péché, ni d'autres péchés et transgressions. Et c'est là donc ce qu'on appelle le repentir. Qu'est-ce que le repentir? Le repentir, c'est que tu cesses de faire l'acte répréhensible que tu as fait, que tu regrettes de l'avoir fait, C'est le deuxième point, inclus dans le repentir. Donc le premier, c'était quoi? Le fait que tu cesses. Le deuxième, que tu regrettes. Et le troisième, que tu aies la ferme intention de ne pas y revenir. Et de ne pas retourner vers ce péché-là. Et de manière générale, vers tout autre péché. Tout cela, bien sûr, doit être fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez donc que la sincérité, ça fait partie des deux conditions de l'acceptation des œuvres. La sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant son agrément et sa récompense dans l'au-delà, et également, et c'est le deuxième, ou c'est la deuxième des conditions, le suivi et la conformité à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les conditions du repentir qui sont citées par les ulama, le fait que si jamais le péché qui a été commis est lié au bien d'autrui ou à son honneur ou à son sang, tu te dois de réparer cela. Si tu as porté atteinte à quelqu'un, tu te dois de réparer cela. Et si tu as parlé en mal de quelqu'un, tu te dois de le mentionner en bien auprès des gens à qui tu as parlé en mal de cette personne-là. Et si tu vois un intérêt dans cela, le fait d'aller voir cette personne et de lui demander pardon si tu estimes que cela va amener la réforme et l'union. Mais si tu vois que il y a un méfait dans cela, alors tu te contentes d'invoquer en sa faveur, en la citant en bien auprès des gens à qui tu avais parlé en mal d'elle. Et c'est là donc le repentir. Qu'en est-il d'une personne qui se repent sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui cesse de faire le péché qu'elle a commis, qui le regrette profondément et qui a la ferme intention de ne pas le refaire et qui par la suite retombe dans ce péché. Est-ce que nous disons que son repentir n'est pas valide ou est-ce que nous disons non, il est valide mais par la suite elle est retombée dans le péché? Comme le disent les ulama, c'est cette seconde réponse qui est la bonne. Et le fait que la personne retombe dans le péché après s'être repenti, ça ne remet pas en question son premier repentir. À condition que les conditions qu'on a citées, elles soient réunies. C'est pour cela que la personne ne doit pas désespérer si jamais elle retombe dans ce à propos de quoi elle s'était repentie. Et elle ne doit pas écouter la voix du diable qui chercherait à la faire désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit donc à nouveau se repentir avec sincérité, en cessant de commettre le péché qu'elle a commis, en regrettant ce qu'elle a fait, et en ayant à nouveau la ferme intention de ne pas recommencer ce qu'elle a fait. Le commentateur de continue en disant, le musulman se doit aussi d'interdire à ceux qui sont sous son autorité de commettre de tels actes, et doit mettre en garde ses frères musulmans contre le fait d'y sombrer, et doit montrer les dangers de tels péchés pour la religion. En effet, cela participe de l'entraide dans le bien, et la crainte pieuse, et fait partie de l'injonction du bien, de l'interdiction du mal, et de l'invitation à la religion d'Allah. En effet, tu trouves dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans la piété et ne vous entraidez pas dans la turpitude. Et il dit également subhanahu wa ta'ala كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتِ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir parmi les gens, vous incitez au bien et vous réprouvez le mal et vous croyez en Allah. Donc tu trouves dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ces principes-là, l'entraide dans le bien, le fait de ne pas s'entraider dans le mal, le fait de se recommander le bien et de s'interdire mutuellement les actes et les paroles, de même que les croyances répréhensibles. C'est bien là la voix des prophètes. Allah les couvre d'éloges et les salue. Allah a dit par le biais de son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Qu'Allah nous protège ainsi que vous et tous les musulmans de tous les autres péchés et transgressions, qu'il nous accorde la constance par sa parole constante dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mon Seigneur certes entend et répond aux invocations, quand la couvre d'éloge et salue notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Et c'est ainsi que se termine cette 17e leçon, faisant partie donc des leçons importantes adressées à l'ensemble de la communauté par le Shir, le Mufti, Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah ta'ala. On aborde à présent le dernier de ces chapitres-là, qui est le 18e chapitre, dans lequel l'auteur il a parlé de la préparation du défunt et de la prière funéraire en sa faveur. Donc l'auteur, il t'a parlé de la base fondamentale du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la plus éminente des sourates, de la plus importante des sourates, que tu répètes à plusieurs reprises dans chacune de tes prières, Al-Fatiha, en t'incitant donc à l'apprendre, à parfaire sa récitation, à comprendre également l'essence qui y sont inclus. Également, il t'a exposé les bases fondamentales de la croyance islamique, du dogme islamique. Il t'a parlé également des adorations que tu te dois de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour. Et il t'a parlé également des bases fondamentales du bon comportement et des nobles manières et des règles de politesse islamique. Et il t'a également mis en garde contre les grands péchés et tout ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela donc durant ta vie, tu te dois de le mettre en application. Car tous ces points-là qui ont été abordés par le Shir, en vérité, ce sont autant de principes islamiques prônés par le Coran et la Sunna. Et donc, après cela, le dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » « Chaque âme goûtera à la mort. » Et il n'a été donné à personne l'immortalité. Donc viendra un jour où tu mourras. Et l'existence de chacun d'entre nous n'équivaut en réalité qu'à quelques instants, à une durée limitée, durant laquelle tu te dois d'œuvrer. Et comme le disait Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, l'au-delà est en train d'arriver à grands pas. Et ce bas monde est en train de s'en aller. Et chacun des deux, il a ses enfants. Soyez donc parmi les enfants de l'au-delà. Et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde. Car aujourd'hui, la porte des actions est ouverte. Et il n'y a pas de jugement. Mais demain, il y aura le jugement et la porte des actions sera fermée. Donc tu te dois d'œuvrer. Mettre en application ces principes-là. Présenter à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur de ce que tu peux présenter. Et l'intérêt dans cela, il te revient. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent et je n'attends d'aucune subsistance. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Car certes, Allah est le grand pourvoyeur en subsistance doté d'une force inébranlable. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, en parlant du pèlerinage, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et il incombe aux gens d'accomplir le pèlerinage pour Allah s'ils en ont la possibilité. Quant à celui qui ne mécroit, quant à celui qui mécroit, alors Allah se passe en réalité largement des mondes. Donc sache que tout ce que tu mettras, tout ce que tu présenteras comme action, tout ça en vérité c'est pour toi-même. Donc réfléchis sur ce que tu as présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin donc, après cela, il y a la mort. Le début du monde intermédiaire, al-barzakh. Et il est important donc de connaître certaines règles liées à cela. C'est pour cela que l'auteur a parlé de la préparation du défunt et de la prière funéraire en sa faveur. Non. Il faut faire prononcer l'attestation de foi au mourant. Il faut faire prononcer l'attestation de foi au mourant. Donc c'est-à-dire faire en sorte que le mourant dise La ilaha illallah avant de mourir. Étant donné que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la dernière parole sera La ilaha illallah rentrera au paradis. Il convient donc de faire en sorte que la dernière parole que le mourant dise, ce soit La ilaha illallah. Et la meilleure des manières à employer pour cela, c'est de la répéter soi-même sans forcément lui dire « Dis La ilaha illallah, dis La ilaha illallah ». Pourquoi ? Parce que la personne, lorsqu'elle est dans cet état-là, elle est éprouvée. Elle est dans un état de souffrance. Et il est possible qu'en lui donnant des ordres, tu la mettes mal à l'aise et qu'elle se retrouve à refuser de dire La ilaha illallah à cause du fait qu'on lui ordonne quelque chose et qu'elle est dans un état difficile. Donc l'idéal, c'est de dire La ilaha illallah, de le répéter en sa présence afin donc de lui rappeler cela et qu'elle dise La ilaha illallah avant de mourir. Naam. Lorsque l'on est certain qu'il est mort, on lui referme les yeux. Et ici donc, l'auteur, rahimahullah, comme ça a été le cas dans certains passages de ce livre, il a développé clairement, il est resté donc dans la concision, mais il a été très clair dans ses explications. Naam. Donc on se contente de lire, et s'il y a besoin de rajouter quelque chose, on le fait, Inch'Allah ta'ala. On lui referme les yeux, et on lui serre la mâchoire. Naam, donc une fois qu'il est mort, on lui ferme les yeux, une fois donc on est sûr qu'il est mort, on lui ferme les yeux, on lui resserre la mâchoire, naam. comme c'est mentionné dans la sunna. Comme cela est mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors du lavage du mort, on lui couvre ses parties intimes. Naam. On l'élève légèrement et on lui presse le ventre délicatement. Naam. Donc on l'élève légèrement, on lui presse le ventre délicatement. Naam. Puis celui qui est chargé de le laver s'enroule un tissu sur la main et ou quelque chose de semblable. Naam. Il l'utilise pour lui nettoyer les parties intimes. Naam. Et on l'avait vu durant le cours dernier, lorsqu'on avait parlé à la fin du cours, et qu'on avait lu la parole de Cheikh Ibn Baz concernant le fait que celui qui lave le mort, il touche les parties intimes du mort. Et qu'il est censé le faire donc en mettant quelque chose qui va venir s'interposer entre sa main et les parties intimes. Donc il enroule sa main avec quelque chose là, pour pouvoir par la suite laver les parties intimes du mort. Puis il lui fait les ablutions comme pour la prière. Et avant cela, donc, on avait vu qu'il presse légèrement sur le ventre afin que s'il y a quelque chose qui doit sortir, que ça sorte. Et qu'ensuite, donc, il lave cela lorsqu'il lave les parties intimes. Après cela, comme vient de le dire Khalid, après cela, donc, il lui fait les ablutions. Naam. Puis il lui lave la tête et la barbe avec de l'eau et du jujubier, al-sidr. Naam. Il lui lave donc la tête, les cheveux et la barbe avec de l'eau et du jujubier. Du jujubier donc que tu mélanges à l'eau, donc al-sidr, que tu mélanges à l'eau, et ça a un pouvoir donc nettoyant plus fort que le fait de le nettoyer uniquement avec de l'eau. Donc c'est de couleur, une couleur verte que vous connaissez, donc que connaissent ceux qui ont déjà assisté à un lavage de mort. Naam. Ou quelque chose de semblable qui aurait également donc un pouvoir nettoyant. Puis il lui lave la partie droite du corps, puis la partie gauche, et répète ainsi l'opération 2 ou 3 fois. Naam. En faisant passer à chaque fois sa main sur son ventre. Naam. S'il en sort quelque chose, il le lave et bouche les orifices naturels à l'aide de coton ou autre. Donc ici, les ablutions du défunt ont été effectuées. Ensuite, on lui lave le corps donc. Naam. À nouveau. En faisant en sorte de passer la main sur le ventre. Comme ça, si jamais il y a encore quelque chose qui en sort, alors on peut le nettoyer. Comme on vient de le lire. S'il ne tient pas, on utilise de l'argile ou tout autre moyen médical moderne, tel un pansement adhésif ou autre. Naam. Donc si jamais vraiment ça continue à s'écouler, si ça continue vraiment à s'écouler, de manière peu commune, alors à ce moment-là, donc on le bouche avec de l'argile ou tout autre moyen. Ensuite, il lui refait les ablutions. Si 3 fois ne suffisent pas à le nettoyer, il le lave jusqu'à 5 ou 7 fois. Naam. Puis il l'essuie avec une serviette et lui parfume les aisselles et les membres sur lesquels il se prosterne. Visage, mains, genoux, pieds. Naam, donc ici, il refait les ablutions. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est échappé de ses orifices. Et donc, comme on l'avait vu, ça annule les ablutions. Là, donc également, ça provoque ou ça amène à renouveler les ablutions. Et si jamais 3 fois ne suffisent pas, alors on le fait 5 ou 7 fois. Ça fait partie des différences entre les ablutions qu'effectue quelqu'un de vivant et les ablutions qu'on effectue pour quelqu'un qui est mort. Donc si c'est nécessaire, tu le fais 5 ou 7 fois. Naam. Mais s'il lui parfume tout le corps, c'est encore mieux. Naam. Il parfume également son linceul. Son linceul avec de l'encens. Si ses moustaches ou ses ongles sont trop longs, il les coupe. Mais par contre, il ne lui brosse pas les cheveux. Naam, par contre, il ne lui brosse pas les cheveux, ni il ne les coiffe, ni il ne les démêle. Donc il ne les brosse pas. Alhamdoulilah, la traduction ici, elle est adaptée, étant donné que le fait d'avoir utilisé le terme brosser, ça comprend à la fois le fait de coiffer ou le simple fait de démêler. Étant donné que le terme qui a été utilisé, donc c'est tasrih. Tasrih, wallahu a'lam, c'est plus proche du fait de démêler. Le fait de démêler les cheveux, donc ni tu les démêles, ni tu les coiffes, tu ne touches pas donc aux cheveux, tu ne les brosses pas. Naam. Quant à la femme, on lui noue les cheveux en 3 tresses, qu'on lui met ensuite derrière la tête. Naam. Donc ça, ça concerne la femme. L'enveloppement du corps dans un linceul. Il est préférable de l'envelopper dans 3 pièces de tissu blanc dans lequel on l'enroule. Sans chemise, ni turban. Naam. Sans chemise, ni turban. Donc ici, ils ont traduit le terme qamis par chemise. Alors certes, qamis actuellement, tu appelles ça une chemise. Quand chemise, ce que je crains, c'est que on entende par là la chemise qu'on connaît tous. Alors que qamis, ici, ça ne correspond pas forcément à cela. C'est ce qu'on appelle communément le qamis. C'est ce qu'on appelle communément le qamis. Donc sans qamis et sans turban. Comme ça a été le cas donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il porte une sorte de chemise et un pagne. Donc pareil là, donc un qamis, c'est le qamis qui est visé, le qamis donc on connaît tous ce que ça signifie, un qamis, ce que beaucoup de nous donc portent aujourd'hui. Naam. Puis est enveloppé dans un grand drap, il n'y a pas de mal. Naam. Quant à la femme, elle est enveloppée de 5 pièces de tissu. Naam, donc pour l'homme, on a vu qu'il y en avait 3. Quant à la femme, il y en a 5. Une chemise. Donc, naam. Un voile. Naam. Un pagne et 2 grands draps. Alors ici, donc, ils ont à nouveau traduit, cette fois-ci, le terme dir' par chemise. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la chemise qu'on connaît, qui est visée ici. Donc c'est dir', c'est l'équivalent féminin du qamis chez les hommes. Naam, c'est ce qu'on appellerait une abaya. Naam. Le petit garçon, lui, est enveloppé dans un linceul constitué de 1 à 3 pièces de tissu. Naam. La petite fille. Donc on avait vu pour l'homme 3, pour la femme 5 et pour le garçon de 1 à 3. Et maintenant donc pour la petite fille, elle est enveloppée dans une chemise et 2 draps. Donc toujours pareil, donc ce qu'on a dit pour le terme chemise et 2 draps. Naam. Les personnes prioritaires pour laver le défunt. Naam, donc on a vu maintenant, on a vu jusqu'à présent le lavage et on a également vu dans quoi tu dois envelopper le défunt, ce qui concerne donc le linceul. Et à présent donc on voit qui est la personne qui est le plus en droit de s'occuper de l'enterrement. Naam. De laver le défunt, prier sur lui et l'enterrer sont dans l'ordre. Celui qui l'a recommandé dans son testament. Naam, donc dans son testament, si le défunt a recommandé quelqu'un, alors c'est cette personne-là qui est le plus en droit de se charger de lui, de son lavage, de la prière sur lui et également de son enterrement. Puis son père. Puis son grand-père. Puis de proche en proche parmi les hommes de sa famille. Naam. Les personnes prioritaires pour laver la défunte sont dans l'ordre. Celle qu'elle a recommandée dans son testament, puis sa mère, puis sa grand-mère, puis de proche en proche parmi les femmes de sa famille. Naam. Chacun des époux a le droit de laver son conjoint, car Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a été lavé par sa femme. Et Ali, radiallahu anhu, a lavé sa femme Fatima, radiallahu anha. Naam. Ici donc, le traducteur, jazahullahu khayra, il a dit. Chacun des deux époux a le droit de laver son conjoint. Le Cheikh Ibn Baz avait dit Walizawjaini, ayarsila ahaduhum al-akhar. Donc la traduction, alhamdulillah, est appropriée. Dans le commentaire, la traduction qui en a été faite et qu'on a l'habitude donc de lire, le commentateur Hafidahullah, qu'Allah le préserve, Jazahullah Khayra et qu'il le récompense, il a dit dans le cas du décès d'un des deux époux, c'est son conjoint qui se chargera de le laver. La première traduction qu'on a lue, que nous a lue donc le frère Khalid, jazakallahu khaira, elle est plus appropriée. Pourquoi? Car ici, tu vois que c'est un droit qui est donné. Est-ce que là, dans cette traduction que je viens de vous lire, ça laisserait sous-entendre que c'est avant tout lui. Naam? Et que c'est lui, avant tout, qui est prioritaire. Non, ce qui est voulu par les paroles du Shir, c'est que c'est un droit. Il a voulu donc montrer la légitimité qui réside dans le fait que le conjoint se charge du fait de laver son conjoint. Naam. Donc c'est un droit. Description de la prière funéraire. Description de la prière funéraire. Après avoir parlé de l'instant qui précède la mort et de l'incitation que l'on doit faire au mourant de dire la ilaha illallah. Après avoir parlé du lavage, c'est que du linceul et de ceux qui doivent ou de ceux qui sont prioritaires dans le fait de se charger de cela, on aborde maintenant la description de la prière funéraire. Naam. Dire le takbir une première fois et réciter la sourate al-Fatiha à l'ouverture. Naam. Il est bon de la faire suivre par une petite sourate ou un ou deux versets. Car ceci est rapporté dans un hadith authentique d'Ibn Abbas radiallahu anhu. Naam. Puis dire le deuxième takbir et réciter la prière du prophète sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme dans le tashahoud. Naam. Puis dire le troisième takbir. Naam. Donc dans le premier takbir, tu dis Allahu Akbar et tu lis Al-Fatiha. Ça donc, c'est pour le premier. Si tu rajoutes une petite sourate, personnellement, j'éviterai ce genre de traduction. Et plutôt dire une sourate ou une courte sourate. Petite sourate, ça rentre dans quelque chose de mauvais, donc le fait de qualifier quelque chose qui doit être normalement agrandi, donc, et qui doit honorer, et donc de le qualifier par quelque chose de petit, donc de ne pas lui donner sa place. Donc, évitons petite sourate. Évitons petite sourate, et contentons-nous donc de courte sourate, comme tu le trouves en arabe. Qisar al-suwar. Qisar, donc c'est court. Quelque chose pour qualifier quelque chose de court, plutôt que de dire petit na'am. Donc, et également donc, les courtes sourates ou quelques versets. C'est une bonne chose en raison du hadith rapporté à ce sujet par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Dans le second, on évoque Allah en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme tu le fais lors de la prière. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Naam. Et ensuite, tu prononces à nouveau le takbir une troisième fois, et tu dis l'invocation. Naam. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا ba'dahu. Naam. Donc ici, le fait de dire cette invocation-là. Allahumma gfir lana وَلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا. Où Allah accorde ton pardon à chacun de nous, vivant ou mort. وَشَهِدِنَا وَغَائِبِنَا, présent ou absent. وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا, jeune ou âgé. وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا, homme ou femme. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فأحيه على الإيمان. Ô Seigneur, fais de ceux d'entre nous que tu maintiens en vie des êtres pleinement soumis et accorde à ceux que tu rappelles à toi de mourir croyants. Naam. En fait, ça ne correspond pas trop. Là, je voulais la traduction. Naam. Efface-lui ses fautes. Ô Allah, pardonne-lui. Fais-lui miséricorde. Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu. Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, accorde-lui le salut, efface-lui ses fautes, assure-lui une noble demeure et élargis-lui sa tombe. Warsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Lave-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle. وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. Lave-le avec de l'eau, de la neige et de la grêle et nettoie-le de ses péchés et de ses fautes, comme on nettoie le vêtement blanc des impuretés. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ. Donne-lui en échange une demeure meilleure que la sienne, une famille meilleure que la sienne et une femme meilleure que la sienne. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Fais-le entrer au paradis, protège-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. وأفسح له في قبره ونور له في. Élargis-lui sa tombe et illumine-la lui. Ô Allah, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après sa mort. Donc ça fait partie donc des invocations à dire en faveur du défunt durant la troisième unité de prière de la prière funéraire. Naam. Puis dire le quatrième takbir et saluer une seule fois sur la droite. Naam, donc après le quatrième takbir, il n'y a pas d'invocation particulière à dire. Donc tu fais le quatrième takbir et tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah une seule fois à droite. Il est conseillé de lever les mains à chaque takbir. Il est conseillé de lever les mains à chaque takbir. Naam. Si le défunt est une femme, on dit Allahumma ghfir laha. Naam, étant donné qu'on a vu Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu. Si jamais c'est une femme, eh bien tu vas le mettre au féminin. Allahumma ghfir laha, warhamha, wa'afiha wa'fu anha, wa akrim nuzulaha, wa wassi' mudkhalaha. Jusqu'à la fin de l'invocation, tu mettras ça donc au genre féminin au lieu de l'avoir mis au masculin comme on l'a vu tout à l'heure. S'ils sont deux, on dit Allahumma ghfir lahuma. Et s'ils sont deux, tu diras Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afi anhuma waghfir lahuma wa akrim nuzulahuma wa wassi' mudkhalahuma. Jusqu'à la fin donc de l'invocation qu'on a pu citer et qu'on avait mis au singulier et que tu dois mettre ici au duel. Al-Muthanna. S'ils sont plusieurs, on dit Allahumma ghfir lahum. Et s'ils sont plusieurs, Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum. Jusqu'à la fin de l'invocation. Donc si c'est un homme, tu le dis au masculin, singulier, une femme, féminin, singulier, deux personnes, tu le dis au duel, al-muthanna, et si jamais ils sont plusieurs, eh bien tu le dis au pluriel. Mais s'il s'agit d'un enfant en lieu et place de la demande de pardon, on dit Allahumma ja'alhu faratan wa dukhran li walidayhi وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بالصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم وقه برحمتك عذاب الجحيم. عذاب الجحيم. Donc si jamais c'était un enfant, au lieu d'invoquer Allah pour qu'il lui pardonne, tu dis cette invocation-là, où Allah fait de lui un prédécesseur et une épargne pour ses parents, accepte son intercession en leur faveur, donc fait de lui un intercesseur exaucé, littéralement, où Allah augmente par son biais le poids de leurs bonnes actions, c'est-à-dire les bonnes actions de ses parents, et accroît leur rétribution, fait le rejoindre les croyants vertueux, mets-le sous la tutelle d'Ibrahim, et préserve-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer, étant donné donc que ce sera sous la tutelle d'Ibrahim que seront réunis les enfants des croyants qui sont morts donc alors qu'ils étaient enfants, et préserve-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. Naam. Conformément à la sunnah, l'imam se tient au niveau de la tête du défunt si c'est un homme. Naam. Donc ici, la prière funéraire. Tu as l'imam qui dirige la prière et ceux qui prient derrière lui. Et entre lui et la Qibla, il va y avoir le ou les défunts. Si c'est un homme, il va être placé devant l'imam. Donc entre l'imam et la Qibla. Et l'imam se tiendra donc au niveau de la tête du défunt, si c'est un homme. Naam. Et au niveau du milieu du corps, si c'est une femme. Et au niveau du milieu du corps, si c'est une femme. Naam. S'il y a plusieurs défunts, on place le corps de l'homme juste devant l'imam. Juste devant l'imam. Et celui de la femme, plus en avant, en direction de la Qibla. Naam. Donc si par exemple, tu as un homme et une femme, alors tu mettras en premier, c'est-à-dire plus proche de l'imam, tu mettras l'homme, qui sera donc, et l'imam qui sera au niveau de la tête de l'homme. Naam. Après, il y aura la femme. Après, il y aura la femme, et tu mettras le milieu de son corps, donc, au niveau de la tête de l'homme, afin que l'imam, il ait en face de lui la tête de l'homme, et derrière lui, donc, le milieu du corps de la femme. Naam. S'il y a des enfants, on place le jeune garçon avant la femme, puis la femme, puis la jeune fille, en plaçant la tête du garçon au niveau de celle de l'homme, le milieu du corps de la femme au niveau de la tête de l'homme. Non. Puis la tête de la petite fille au niveau de la tête de la femme, et le milieu du corps de la petite fille au niveau de la tête de l'homme. Naam. Classe. S'il y a des enfants, on place le jeune garçon avant la femme, c'est-à-dire entre l'homme, hein, et la femme. S'il y a des enfants, entre l'homme et la femme. Naam, naam. Puis la femme, puis la jeune fille, en plaçant la tête du garçon au niveau de celle de l'homme. Donc, ils sont alignés au niveau de la tête. Naam. Le milieu du corps de la femme au niveau de la tête de l'homme, comme on l'a vu précédemment. Puis de la tête de la petite fille, puis la tête de la petite fille au niveau de la tête de la femme. En vérité, c'est relativement simple. Tu as, dans un premier temps, les hommes et les garçons. Si tu as donc des adultes et que tu as des enfants. D'abord l'homme, suivi du garçon. Et tu les alignes donc par la tête. C'est-à-dire qu'il va avoir la tête au même niveau. Et tu auras l'imam donc qui sera au niveau de leur tête. Ensuite, tu vas mettre la femme. La femme, le milieu de son corps sera au niveau de la tête de l'homme et donc de l'enfant, étant donné qu'elles sont au même niveau. Et également, elles seront en face de l'imam. Puis après la femme, eh bien tu mettras la petite fille et tu l'aligneras par rapport à la femme. Ce qui fera que tu auras l'imam directement devant lui, la tête de l'homme. Juste après la tête de l'homme, la tête du petit garçon. Juste après le milieu du corps de la femme. Et juste après le milieu du corps de la femme, le milieu du corps de la petite fille. Naam. Naam. Ensuite, tous ceux qui prient se tiennent derrière l'imam. Sauf si quelqu'un ne trouve pas de place derrière l'imam, dans ce cas, il se tient à sa droite. Naam. Donc ensuite, tous ceux qui prient se tiennent derrière l'imam. Étant donné que l'imam, donc, c'est lui qui dirige et c'est lui, donc, qui est devant. Et les autres doivent être derrière. Sauf s'il n'y a pas de place, il y a une nécessité. Alors, à ce moment-là, le shir, donc, dit que la personne ou les personnes se tiennent à la droite de l'imam. Et elles se mettent, donc, à son niveau. Et elles font en sorte de ne pas le devancer. Et louange à Allah uniquement, et prière et salut sur son prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ses proches ainsi que ses compagnons. Naam. Et donc c'est ainsi que se termine la lecture et ces brèves explications du livre Ad-Durus al-Muhimma, les leçons importantes adressées à l'ensemble de la communauté du Shir Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ça a été l'occasion donc d'aborder ces quelques points-là très importants. Et de nous rendre compte de l'importance de ces points-là, et de nous rendre compte de la place et du mérite de ce shir, de ce savant pédagogue, le mufti Abdelaziz Ibn Abdillah Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et de manière générale de nous rendre compte de l'importance des ulama qui t'expliquent de manière simple les sujets de ta religion, qui t'explique comment adorer ton Seigneur. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et ce qui a pu être dit dans ces quelques cours, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire une œuvre sincèrement vouée à lui, Jalla fi'ula. Ce que vous avez pu y entendre comme propos juste, ça vient de lui subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est faux, ça vient de ma propre personne ou du diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ils en sont innocents. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.